Chapitre 326. L'interdiction de traiter le musulman de mécréant. 1732. D'après Ibn Omar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Lorsqu'un homme traite son frère musulman de mécréant, l'un d'eux mérite l'insulte. Soit celui qui a été offensé l'a mérité, soit l'injure retombe sur celui qui l'a lancé. » Al-Bukhari et Muslim. 1733. Abu Dharr, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire « Quiconque traite à tort un homme de mécréant ou d'ennemi d'Allah verra l'insulte lui revenir au visage. » Al-Bukhari et Muslim. 1734.